Saint Augustin, de la continence. Chapitre 6. Dieu tire le bien du mal. Il est aussi des hommes qui, pour excuser leurs fautes, soutiennent que Dieu n'a pour le péché que des complaisances. Si le péché déplaisait à Dieu, disent-ils, armé qu'il est d'une puissance infinie, il n'en permettrait pas la perpétration. Ils oublient donc que Dieu ne laisse impuni aucun péché, même pour ceux que la rémission de leur faute doit arracher au supplice éternel. Aucun pécheur, en effet, ne reçoit la remise d'une peine plus grave, quand, en subissant une autre, quelque inférieure qu'elle puisse être. Dès lors l'immensité de la miséricorde laisse toujours place à la justice. Tel péché vous paraît-il impuni? Son châtiment n'en est que plus rigoureux, car s'il n'est point expié par l'amertume de la douleur, il l'est par l'aveuglement et l'endurcissement du cœur. Pourquoi, demandez-vous, Dieu permet-il le péché, si le péché lui déplaît? Si le péché plaît à Dieu, demanderai-je à mon tour, pourquoi le punit-il? J'avoue de mon côté que nulle faute ne se commettrait. Si le Tout-Puissant ne le permettait, avouez donc aussi que ce qui doit être puni justement, ne doit pas être commis. Et c'est en évitant ce qu'il punit, que nous mériterons d'apprendre de Dieu lui-même pourquoi il permet ce qu'il doit punir. Pour les parfaits, il faut une nourriture, solide, écrivait saint Paul aux Hébreux, 5:14. Tous ceux donc qui reçoivent cette nourriture d'effort, comprennent qu'il était digne de la toute-puissance divine de laisser libre la volonté humaine et de permettre le mal qui pouvait en résulter. Mais sa bonté est aussi toute-puissante, à elle donc de tirer le bien du mal, soit en pardonnant, soit en guérissant, soit en disposant toutes choses pour le bien des justes, soit enfin en exerçant contre le mal une vengeance légitime. Or tout cela est bien, tout cela est vraiment digne d'un Dieu bon et tout-puissant, et cependant tous ces biens sont tirés du mal. Où trouverons-nous la perfection suprême et la toute-puissance, si ce n'est en celui qui, étranger au mal, sait changer en bien le mal lui-même? Les pécheurs élèvent vers lui ce cri de la prière, « Pardonnez-nous nos offenses », Matthieu 6:12, et il les exauce, il leur pardonne. Le mal a laissé dans les pécheurs de profondes blessures, il les cicatrise et les guérit. Tels ennemis poursuivent les justes de leur fureur, et Dieu fait, de leurs victimes, de glorieux martyrs. Ceux enfin qu'ils jugent dignes de la réprobation, ils les condamnent, et en faisant ainsi retomber sur les méchants leur propre malice, Dieu n'accomplit que le bien. En effet, ce qui est juste peut-il ne pas être bien? Et si le péché est injuste, le châtiment qui le frappe peut-il ne pas être juste? Dieu, assurément, aurait pu créer l'homme impeccable, mais il trouva mieux de lui laisser le pouvoir de pécher s'il le voulait, et de ne pas pécher s'il ne le voulait pas. Pour lui-même, Dieu s'est réservé de proscrire le péché et de commander l'innocence, faisant de l'impeccabilité un mérite pour l'homme pendant cette vie, et une juste récompense après la mort. Telle est en effet la destinée qu'au ciel Dieu réserve à ses saints. Pour eux le péché ne sera plus possible. C'est dans cet heureux état que se trouvent maintenant les anges, le saint amour que nous avons pour eux est exempt de toute crainte de les voir devenir des démons par le péché. L'homme juste, pendant sa vie, ne nous offre pas sans doute la même assurance, mais nous croyons sans hésiter qu'au ciel nous serons tous impeccables. Si le Tout-Puissant sait changer en bien le mal même que nous commettons, de quel bien ne nous comblera-t-il pas quand il nous aura délivrés de tous nos maux? Le bon usage du mal pourrait être l'objet d'une dissertation aussi longue que spirituelle, mais elle n'entrerait pas dans le cadre que je me suis proposé, et avant tout je veux éviter les longueurs. Chapitre 7. La paix, fruit de la continence et de la justice, double nature des manichéens. Revenons donc au sujet qui nous a amenés à cette digression. La continence est pour nous une nécessité, si nous voulons que notre cœur ne s'incline point aux paroles mauvaises et aux excuses du péché. Nous savons aussi que cette vertu ne peut nous venir que de Dieu. Enfin, quel péché pouvons-nous éviter sans la continence, puisque, après l'avoir commis, il nous faut encore la continence pour étouffer ce funeste orgueil qui nous pousse à nous justifier nous-mêmes? C'est donc à tous ces points de vue que la continence nous est nécessaire pour résister au mal. Quant au bien, il me paraît être l'œuvre d'une autre vertu, la justice. C'est ce que nous révèle ce passage d'un psaume, « Évite le mal et fais le bien ». Pour quel motif? Écoutons ce qui suit, « Cherche la paix et suis-la ». Psaume 33, 15. Or, nous aurons la paix parfaite quand nous serons inséparablement unis à Dieu, et quand nous-mêmes nous ne surprendrons plus aucune résistance. C'est aussi ce que le Sauveur paraît vouloir nous faire comprendre par ses paroles, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Qu'est-ce que cindre ses reins? C'est enchaîner ses passions, et c'est là l'œuvre de la continence. Avoir sa lampe allumée, c'est répandre autour de soi la chaleur et l'éclat des bonnes œuvres, et c'est là le fruit de la justice. Le but lui-même nous en est révélé dans ce qui suit, « Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à sa sortie des noces », Luc 12, 35, 36. En effet, quand le Seigneur sera de retour, il nous donnera la juste récompense que nous aurons méritée, en résistant aux séductions de la cupidité et en obéissant aux impulsions de la charité. Alors nous régnerons dans une paix éternelle et parfaite, étrangers à toute atteinte du mal et inondés d'un bonheur infini. Ainsi, nous mettons notre confiance uniquement dans le Dieu vivant et véritable. Il est le bien suprême et immuable, il ne peut être l'auteur ni souffrir d'aucun mal. C'est de lui que découle tout bien créé. Ce bien, hélas, peut changer, mais celui qui constitue la nature divine est immuable. Maintenant, entendons l'apôtre nous dire, marchez selon les lumières de l'esprit et n'écoutez point la concupiscence de la chair, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5, 16, 17. Or, en lisant ces paroles, loin de nous la pensée de conclure follement avec les manichéens qu'il s'agit ici de deux natures distinctes, opposées l'une à l'autre par des principes contraires, l'une bonne et l'autre mauvaise. J'affirme au contraire que chacune d'elles est bonne, l'esprit est bon, la chair aussi. De son côté, l'homme formé de ces deux natures peut-il ne pas être bon? Quand surtout l'une des deux doit rester maîtresse et l'autre obéir, le bien qu'il possédait, il est vrai, susceptible de changement, mais dès lors qu'il existe, il ne peut venir que du bien immuable, duquel découle tout bien créé, à quelque degré qu'on le suppose. Est-il petit, il a dû alors découler d'un plus grand, et si grand qu'il puisse être, il ne pourra encore supporter la comparaison avec l'infinie grandeur de celui qu'il a créé. Mais, au sein de cette nature de l'homme, nature bonne et qui est sortie telle des mains du Créateur, la lutte s'est élevée, car nous sommes encore dans le lieu du combat. Guérissez les langueurs et vous aurez la paix. Cette langueur, C'est le fruit de la faute, par elle-même la nature ne la connaissait pas. Cette faute, Dieu l'a effacée pour les fidèles, par sa grâce, dans le bain de la régénération, mais il n'a pas guéri la langueur, aussi le combat dure-t-il toujours entre elle et la nature. Dans ce combat la guérison sera la victoire parfaite, guérison non plus temporaire, mais éternelle, non plus partielle, mais absolue. C'est dans cette espérance que le juste s'adressant à son âme lui dit en toute sincérité, « Ô mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie point ses bienfaits, car il se montre propice à tes iniquités, il guérit toutes tes langueurs. » Psaume 102, 2, 3. Il se montre propice à nos iniquités, en pardonnant nos péchés, il guérit nos langueurs, en réprimant nos désirs coupables, il est propice à nos iniquités, en nous faisant indulgence, en nous accordant la continence, il guérit nos langueurs. L'une de ces faveurs s'accorde dans la profession du baptême, l'autre dans l'ardeur du combat, c'est alors qu'appuyé sur le puissant secours de Dieu, nous triomphons de nos infirmités. L'une se réalise quand Dieu daigne exaucer cette prière, pardonnez-nous nos offenses, l'autre, quand il écoute ce cri de notre cœur, ne nous laissez point succomber à la tentation. Matthieu 6, 12, 13. En effet, dit l'apôtre Saint Jacques, chacun de nous est tenté par sa propre concupiscence, attiré et entraîné. Jacques 1, 14. Contre ce vice nous demandons le secours et le remède à celui qui peut seul guérir toutes ces langueurs, non pas en nous dépouillant d'une nature étrangère, mais en réparant la nôtre propre. Aussi l'apôtre ne se contente pas de dire, chacun est tenté par la concupiscence, il ajoute, par sa propre concupiscence. Or, en lisant ces paroles, comment ne pas s'écrier, j'ai dit, Seigneur, ayez pitié de moi, guérissez mon âme parce que j'ai péché contre vous. Psaume 40, 5. Cette âme, en effet, n'aurait pas eu besoin de guérison si elle ne se fût pas elle-même souillée par le péché, et elle s'est souillée en se laissant dominer par le péché, c'est-à-dire en accédant à la convoitise soulevée contre elle par l'infirmité de la chair. Chapitre 8. Combien de temps la chair convoite-t-elle contre l'esprit? La chair, en effet, ne peut rien convoiter que par l'intermédiaire de l'âme. Dès lors, en disant que la chair convoite contre l'esprit, nous entendons que l'âme, pactisant avec la concupiscence charnelle, se met en révolte contre l'esprit. Là se trouve notre être tout entier, et si la chair, cette partie infime de nous-mêmes, meurt quand notre âme s'en sépare, ce n'est pas pour la fuir à jamais que nous la déposons, nous la reprendrons un jour, et cette fois pour ne plus la quitter. Nous semons un corps animal, et la résurrection nous rendra un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Alors la chair ne convoitera plus contre l'esprit, car elle sera elle-même spiritualisée, non seulement parce qu'elle subira sans répugnance l'action de l'esprit, mais encore parce qu'étrangère à toute alimentation corporelle, elle sera éternellement vivifiée. Donc, pendant que dure en nous cette lutte des deux substances dont nous sommes composés, demandons et travaillons à faire régner la paix entre elles. Le véritable ennemi, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces deux substances, mais le vice qui porte la chair à convoiter contre l'esprit. Guérissons ce vice, tout ennemi aura disparu, les deux substances seront saines et la lutte sera finie. Écoutons l'apôtre, je vois, dit-il, que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est nous dire que la chair, fût-elle bonne, cesse de l'être, quand le vice de la chair vient à s'y glisser. Que ce vice disparaisse, la chair restera, mais elle ne sera plus ni viciée ni vicieuse. Toutefois, voulant nous montrer que cet état est une des conditions de notre nature actuelle, l'apôtre ne craint pas de dire « Je sais que le bien n'habite pas en moi » et, pour expliquer sa pensée, il ajoute « c'est-à-dire dans ma chair ». La chair en elle-même n'est donc pas notre ennemi, et quand on résiste à ses vices, on l'aime puisqu'on la guérit. Personne en effet n'a jamais haï sa chair. Éphésiens 5, 29. Plus loin, le même apôtre ajoute, « Donc par mon esprit je me soumets à la loi de Dieu, et par ma chair, à la loi du péché. Que ceux qui ont des oreilles entendent, moi-même, dit-il, qui suis tout à la fois esprit et chair, mais par mon esprit je me soumets à la loi de Dieu, tandis que ma chair est soumise à la loi du péché. Comment donc par sa chair est-il soumis à la loi du péché? Serait-ce qu'il consentirait à la concupiscence charnelle? Non, assurément, mais dans cette partie de lui-même il éprouvait toute l'impétuosité des désirs. Ses désirs, il les repoussait, sans doute, mais il ne l'agitait pas moins. En refusant d'y consentir, il obéissait à la loi de Dieu, et enchaînait ses membres pour ne pas en faire des armes d'iniquité. Il est donc en nous des désirs mauvais, n'y consentons pas et notre vie restera pure. Nous portons en nous la concupiscence du péché, en y résistant nous résistons au mal, mais nous n'aurons atteint la perfection du bien, que quand cette concupiscence sera détruite en nous. Ces deux points nous sont clairement enseignés, l'un dans ces paroles de l'apôtre, « Je puis vouloir le bien, mais non pas l'accomplir », Romains 7, 18, 25, l'autre dans celle-ci, « Que l'esprit vous dirige ». Et ne suivez pas la concupiscence de la chair. Il ne soutient pas qu'il lui soit impossible de faire le bien, mais seulement d'arriver à l'accomplir dans sa perfection. Il ne nous dit pas, n'ayez aucune concupiscence de la chair, mais seulement, ne la suivez point. Il y a en nous concupiscence mauvaise, quand ce qui est défendu nous plaît, y résister. C'est enchaîner les passions pour conserver son esprit soumis à la loi de Dieu. Faire le bien, c'est donc vaincre la délectation mauvaise par la délectation bonne, mais la perfection, vous ne la trouvez pas, tant que la chair, soumise encore à la loi du péché, subira l'atteinte des passions et en sera émue, quoiqu'alors même elle soit enchaînée par la continence. Si elle n'était pas émue, où serait le besoin de la continence? Le bien ne sera donc parfait que quand le mal sera détruit, l'un sera à son comble quand l'autre aura cessé. Espérer cet heureux état dans notre condition présente, c'est une illusion. Pour y arriver, il faut que la mort soit détruite, elle ne le sera que quand aura commencé la vie éternelle. Alors en effet nous trouverons le souverain bien, le mal aura cessé, nous éprouverons pour la sagesse un amour souverain, et le travail de la continence sera nul. La chair n'est donc pas mauvaise, quand elle est exempte du mal, c'est-à-dire du vice qui s'est emparé de l'homme, non pas en vertu de sa formation, mais par l'effet de son propre crime. Car l'homme a été créé bon dans son âme et dans son corps par un Dieu bon, et lui seul est l'auteur du mal qu'il a rendu mauvais. Mais si la miséricorde le délie de sa faute, qu'il se garde bien de regarder comme léger le mal qu'il a commis, car toujours il a besoin de la continence pour faire contrepoids à sa dégradation. Quant au vice, n'en cherchez pas dans ce royaume futur de la paix, car, Dans le combat de cette vie, les vainqueurs voient chaque jour s'affaiblir en eux le péché d'abord, et aussi la concupiscence que nous combattons en lui refusant notre consentement, et à laquelle nous ne pouvons consentir sans péché. Ainsi donc, la chair convoite contre l'esprit, le bien n'habite pas en elle, et la loi des membres répugne à la loi de l'esprit. Tout cela est hors de doute, mais il est faux de soutenir que c'est là le résultat du mélange de deux natures contraires. L'unique principe de ce mal, c'est le péché qui a jeté la division dans l'homme lui-même. Tels nous n'étions pas en Adam, avant que notre nature, trompée par les séductions du serpent, eût méprisé et offensé son auteur. Cet état n'est donc pas la condition primitive de l'homme, il n'est que le résultat du châtiment du péché. Ce châtiment, Jésus-Christ nous en a délivrés par sa grâce. Devenus libres, nous pouvons donc lutter contre le mal, suite du péché. Notre salut, sans doute, n'est point encore assuré, mais du moins nous en avons reçu le gage. Quant à ceux qui n'ont pas voulu de cette délivrance, ils restent coupables du péché et victimes de ses châtiments. Après cette vie, les coupables n'auront plus à attendre qu'un châtiment éternel, ceux au contraire qui sont rachetés ne connaîtront éternellement ni le châtiment ni la faute, en eux l'esprit et la chair resteront substance bonne, et ne seront plus soumises qu'à Dieu, qui, dans sa bonté immuable, les a créées bonnes mais susceptibles de changement. Devenues meilleures, elles seront confirmées dans la perfection, sans pouvoir jamais déchoir. Le mal aura entièrement disparu, soit celui que l'homme a commis injustement, soit celui dont il a été justement frappé. Une fois qu'auront disparu l'iniquité, qui est le premier de tous nos maux, et l'infortune, qui en a été la conséquence nécessaire, la volonté de l'homme restera droite et pure. Alors nous verrons clairement et sans aucun doute ce qui est déjà oui, il est vrai, mais ce qui n'est compris que par un petit nombre, à savoir, que le mal n'est pas une substance. Telle est une blessure dans un corps, tel est le mal dans une substance qui s'est souillée elle-même, ce mal y a commencé par une maladie, et il disparaîtra avec une santé parfaite. Mais quand ce mal, né de nous, sera détruit en nous, quand le bien qui est en nous aura été porté jusqu'au comble du bonheur, de la perfection et de l'immortalité, que ne sera pas chacune des deux substances qui nous composent? Rappelons seulement que maintenant, au sein de notre corruption et de notre mortalité, quand le corps corruptible appesantit encore notre âme, Sagesse, 9, 15, quand, suivant le mot de saint Paul, notre corps est mort à cause du péché, Romains, 8, 10, notre chair cependant, cette partie infinie et terrestre de notre nature, a mérité du même apôtre ce témoignage que j'ai cité plus haut, personne n'a jamais haï sa chair, et cet autre qui suit immédiatement, mais il la nourrit et la soigne, comme Jésus-Christ le fait pour son Église. Markemdanarchive.org 2021, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.